Si demain dans ta rue, ou si demain dans ta ville, on te montre du doigt parce que t'as les cheveux comme ça, ou parce que tu t'habilles comme ça. Dis-leur que ce sont des pervers. Voici troisième sexe.